De l'Asile Obscur, extrêmement ravi après une semaine de break un peu forcé, un petit peu la crève la semaine dernière, et difficile d'embrayer avec cette émission en direct, donc ce lundi sur l'antenne du 94 MHz, émission également écoutable, podcastable. Il y a à peu près 130 podcasts disponibles sur le site asile35.blogspot.fr avec des bonus et les liens et les playlists et tout, programme assez chargé cette semaine vu qu'on n'était pas présent la semaine dernière, et on attaque avec le grand retour des ex Deity Guns ou encore Bastard, le combo Noise avec le Tréma s'il vous plaît, qui signe son 5e album sous son nouveau patronyme Zéro. Ça fait près de 10 ans qu'ils officient sous ce nom, les fameux Eric Aldea aux guitares trafiquées, Ivan Chausson avec ses claviers analogiques et Franck Lorino aux diverses percussions. Le nouvel opus s'intitule San Francisco. Il vient tout juste de sortir sur le label de Nancy, ici d'ailleurs. Donc en trio, cette fois-ci Les Zéros, mais là j'ai choisi le titre avec le 4e larron et ex-bastard lui aussi, François Couilleron, à la guitare sur ce titre avec lequel on attaque l'asile de cette semaine. On écoute Les Zéros avec The Drum Thing. Thank you. Petite tranche d'Ananas Symphonie pour démarrer l'asile de cette semaine avec tout d'abord Les Zéros et leur tout nouvel album qui s'intitule San Francisco, leur cinquième en date au Zéro, cette fois en trio. Alors c'est une musique qui ressemble assez fortement à celle qu'ils ont pu produire sur les précédents opus, donc une sorte de mélange un peu entre post-rock, prog, un petit côté noise aussi et puis des harmoniques entre guitare traficotée et synthé analogique du plus bel effet. Ça sort comme de juste et comme les précédents sur Ici d'ailleurs, ce nouvel album des Zéros avec le tréma sur le E. Et c'était enchaîné bien évidemment avec Cluster, et Cluster qui revient en ce printemps avec un coffret de 9 disques 33 tours sur le label de Hambourg Bureau B, un coffret 33 tours et aussi CD qui réunit 8 des albums classiques de la formation de messieurs Moebius et Roedelius, parfois augmenté de Brian Eno. Et on y retrouve également deux lives de 1972 et 1977, dont le fameux live au festival de science-fiction de Metz en 1977, qui était passé d'ailleurs à la radio à l'époque. Donc ça sort le 8 avril, c'est déjà disponible en précommande. Et à noter que ce très beau coffret a été remasterisé par un très bon ingénieur son, et que monsieur Asmus Titchens a aussi signé le texte qui accompagne cette livraison et un texte un peu autour de l'histoire et de l'importance du combo de Berlin qui était né des cendres de Cluster avec un cas quand monsieur Schnitzler avait pris ses clics et ses claques. Et ce livret contient aussi pas mal de photos inédites, donc si vous intéressez un peu à la préhistoire de la musique électronique, je vous conseille ce coffret de Cluster avec un C. On va continuer avec tout autre chose, et là une vraie découverte, il s'agit d'une formation qui répondait au nom de The Tapes, qui officiait du côté de la botte dans les années 80, un duo constitué de deux frangins, les frères Drago, Giancarlo et Roberto, qui pratiquaient une musique entre Strobing Gristle et autre John Fox, donc plutôt une musique un peu synthwave post-industrielle. Et une compilation vient tout juste de sortir qui a été produite par Alessio Natalizia, qui fait partie du projet Synthwave Not Waving, et c'est plutôt très très bon ce Selected Works 1982 à 1992 de The Tapes, double album publié par l'étiquette allemande Ecstatic Recordings, et je propose d'écouter le titre Berlin 1989, extrait de ce florilège de pièces entre 1982 et 1992 de The Tapes. Thank you. qui se termine de manière assez abrupte ce titre de cette séquence qu'on entendait dans l'asile le plus sûr sur 94 MHz et qui a démarré avec The Tapes et leur anthologie Selected Works entre 1982 et 1992, donc 10 ans d'existence pour ce duo des frangins Giancarlo et Roberto Drago qui ont les honneurs d'un double vinyle publié par l'excellent Ecstatic Recordings, qui n'a rien à voir avec Ecstatic Peace, pour ceux à qui ça évoque quelque chose. C'est une compilation sortie au mois de février, très fameuse, de ce duo totalement obscur, des pièces publiées, j'imagine, en cassette à l'époque par les frangins Drago, en tout cas de l'excellent synth-goth post-industriel, avec un son assez typique de l'époque, mais une très très belle production, et ça a été très bien remasterisé. Et on a enchaîné avec d'autres pièces échouées du passé et la formation Ladio Boloco, groupe new-yorkais qui a existé à partir du milieu des années 90 et qui était constitué de Drew Santivani à la guitare, de Ben Armstrong à la basse, de Marcus De Gracia au saxophone et de Black Fleming à la batterie, qui pratiquait un mélange entre post-rock et puis côté un peu motorique. Il se référençait souvent au groupe Faust, Can, This It et autres, mélange aussi entre free rock et free jazz, donc une sorte de tambouille à l'américaine. Et après qu'ils aient splitté, ils ont splitté je pense dans la première moitié des années 2000, la Dio Boloco avait donné lieu à une formation qui a été aussi assez fameuse et assez célèbre sous le nom de Psychic Paramount, qui avait sorti pas mal de disques, qui avait un côté un peu plus métal et qui jouait surtout à des volumes et des fréquences très très élevées, et dans laquelle on retrouvait le bassiste et le guitariste de Ladio Boloco, qui avait sorti plusieurs disques à l'époque. Et là il s'agit donc d'une anthologie qui vient tout juste de voir le jour sous le titre Live and Unreleased 1997. Donc des pièces plutôt des années 90, à l'image du live qu'on écoutait, qui était un live à Columbia Street de Brooklyn du 13 décembre 1999, très exactement. Et donc des pièces pour redécouvrir la carrière de ce groupe un peu éphémère qu'on a sans doute pas assez écouté, Ladio Boloco. On va continuer avec une musicienne que j'ai toujours beaucoup aimé et qui revient aussi en ce début d'année 2016. Il s'agit de Madame Tara Burke, qui est une américaine de Philadelphie qui se fait appeler Fursaxa. Et Fursaxa, avec sa voix à la Hildegard von Bingen, ses claviers Casio Ultra Cheap et Ultra Shaper, ainsi que ses accordéons et autres dulcimer. On l'écoutait beaucoup au début de l'émission L'Asile le plus sûr, plus exactement quand j'ai repris cette même émission. On passait ça à l'antenne vers 2004-2005 et ça faisait bien une demi-douzaine d'années qu'elle ne nous avait pas gratifié d'une de ses créations dans ces ambiances brumeuses dont elle a le secret. Et l'album qu'elle vient tout juste de faire paraître en vinyle s'intitule Immurde. Alors c'est du Fursaxa pur sucre. Donc toujours dans le registre un peu mélange séance d'hypnose et séance aussi de folk acide fric. Et c'est sorti sur Slow Wax, qui est la division vinylique du label Slow Tapes, qu'on connaissait donc principalement pour ses cassettes assez légendaires. On va écouter un extrait de cet excellent disque de Madame Fursaxa, qui faisait pas mal de choses aussi aux côtés de divers musiciens. On l'avait écouté notamment aussi aux côtés de Helena Epsvall dans le projet Anahita, et un petit peu moins ces dernières années sous son propre alias Fursaxa. On écoute le titre extrait de ce nouvel album Immurde, le morceau XY avec un Y. Thank you. Bien dans l'asile le plus sûr avec une séquence très très longue de mécanique détraquée sur antenne du 94 MHz. On a démarré avec tout d'abord le retour de Fursaxa et son nouvel opus sous le titre Immured. C'est sorti au mois de février sur Slow Wax, la division 33 tours de Slow Tapes. Donc bon, une disque assez typique de ce que peut produire l'américaine Tara Burke alias Fursaxa, toujours des musiques mystiques, mi-gothiques et surtout très très allumées. Le disque est vraiment réussi de bout en bout, comme en général ce que fait Fursaxa, en tout cas à mes oreilles. Et c'était enchaîné avec une vraie découverte en la personne de Monsieur Okokon, avec deux K et son disque Turkson Side. C'est sorti sur le label du compositeur de musique électronique d'origine américano-chilienne Nicolas Jarre, qui s'occupe d'un label assez intéressant sous le nom de Other People, qui a sorti ce disque d'un musicien qui est assez mystérieux, je dois dire, Monsieur Okokon. On l'appelle aussi Africanus Okokon, de son vrai nom, qui est un designer graphique, artiste visuel, qui apparemment produit aussi des films d'animation et qui s'est fendu de ce disque Turkson Side en vinyle à la fin de l'année sur Other People, à la fin de l'année dernière, fin 2015. Il s'agit d'un disque de sample de très très très haute volée. Une musique qui fait penser, je sais pas, à une sorte de croisement entre Nurse With Wound et une musique un peu dada et très très réussi. Donc difficile de classer ce disque de Okokon et difficile de savoir aussi qui se cache derrière ce patronyme. Peut-être Nicolas Jarre lui-même, allez savoir. Et c'était en milieu de cette séquence qui s'est terminée à l'instant avec la musique de Alain De Filippis, musicien improbable. C'est le titre de cette production vinylique du label Rennais de notre camarade Denis Tagu, Un Polisson, qui a consacré une très très belle anthologie aux musiques du compositeur basé à Rosé et disparu en 2010 à l'âge de 50 ans. Alain De Filippis, qui était quelqu'un qui avait une carrière principalement professionnel dans le théâtre, et d'ailleurs la plupart des musiques sur ce disque 33 tours de l'étiquette Un Polisson sont des musiques de théâtre, notamment pour des inaugurations du théâtre à la coque de Hennebon par exemple, pour la compagnie Aïe Aïe Aïe de Julien Mélano, bien connu des Brétiliens, ou encore le Boufou Théâtre de Serge Boulier, avec lequel Alain De Filippis avait eu un compagnonnage de longue haleine pendant 15-20 ans. Et on a écouté trois pièces, d'ailleurs une première pièce qui est extraite d'une création du Boufou Théâtre sous le nom du Manteau, qui était enchaînée avec une pièce de la compagnie Théâtre Garin Trousse-Bœuf, et ça s'est conclu avec le fameux titre Vache à plumes et autre poule à pie, qui était une pièce également de Serge Boulier. Alain De Filippis, qui a produit assez peu de disques au final, lui qui s'intéressait de très très très près à la création sonore sous toutes ses formes. Il avait eu un projet d'anthologie du son qui couvrait plusieurs siècles, lui qui collectionnait beaucoup les archives sonores en tout genre. Il veut aussi produire apparemment un disque sur les harpes éoliennes. Et Alain De Filippis a sorti quand même quelques disques avant ce disque posthume, donc notamment un mini-album aux éditions Metemkin dans la fameuse collection Cinéma pour l'oreille, sous le titre « Ton Dieu ne s'appelle-t-il pas Ego ?», titre très très visionnaire. Et également un disque sur étiquette Ground Fault Recordings, sous le titre Petite musique de bruit, qui réunissait un peu différentes pièces, à l'instar de cet excellent florilège musicien improbable Alain de Philippis, avec un beau macaron French Experimental Music. Merci monsieur Denis Tagu. Et le label Impolisson s'est aussi fendu d'une cassette, les deux productions d'ailleurs, avec une pochette assez magnifique. Et je vous propose d'enchaîner avec cette cassette, également disponible dans vos bonnes crèmeries, peut-être à partir du distributeur Metemkin ou de la boutique Blind Spot, bien connue du peuple rennais. On va écouter un extrait de la cassette de Alain de Philippis de Mémoire d'Os, et ça fait furieusement penser à la musique qu'on va écouter aux Residents, une des références d'ailleurs de Alain de Philippis, de même que Frank Zappa, Edgar Varèse ainsi que Robert Wyatt. On écoute un bout de cette cassette, 2 fois 30 minutes sur les deux faces, donc qui s'intitule Mémoire d'Os. Bye. piante. Hanno delle pellicce. Sembrano... Sono ologrammi. Sono ologrammi di realtà prismiche. Chi sei? Zeklos imposta le sue tecniche mimetiche veggenti per capire quale punto sia possibile per rifrangere l'energia di Lyxla. Si abbassa a formare una doppia freccia tridimensionale intermittente che pulsa. Una nuvola di fumo rossa aleggia e una figura simile a una tigre salta su una roccia di plasma d'acqua. Fosforescenti in un continuo conflitto con Lyxla, capace di riflettere la sua luce e spararla. Massaclock, mago, creatura magica, capace di creare nuvole e ammassi gassosi colorate. Lyxla, creatura riflesso, crea dei riflessi luminosi, energie a campo largo, visibili come luce. Crea delle oasi plasma che si sciolgono. Sono botte Lyxla. Che cos'è tutto questo? Si è normalizzato. Dobbiamo cercare dove si trova l'ovale. Deve essere trapassato in un nuovo schema adesso. Ne vedo dei resti. Come se si fosse sdoppiato in due sfere su traiettore delta. Una nuvola magenta soffia sull'oasi. Pare in un calice di fumo. Chi siete voi? Stiamo cercando una pietra, un'agata. È scomparsa come dal niente. L'Azat. La chiave. L'occhio di Tartaruga. Le Valkas la stanno cercando da molto tempo. Non sappiamo, ma sembra che si sia sdoppiata. Di che cosa state parlando? Volete dirmi che la dicotomia marziale della Zat è avvenuta? Qui qui font peur de l'asile le plus sûr avec une nouvelle triplette de titres enchaînés. Et tout d'abord, le petit théâtre de Alain de Philippis, un extrait de la face B de la cassette de Mémoire d'Os. La cassette produite par le label Un Polisson, de même que le vinyle Alain de Philippis, musicien improbable, ce qui est donc l'occasion de redécouvrir la musique et le théâtre de bruit de ce plasticien sonore qui produisait aussi des expositions de sculptures sonores assez fameuses de son vivant pendant une vingtaine d'années. Tout ça, c'est disponible chez Un Polisson à partir du site unpolisson.free.fr. On a enchaîné avec la musique de Thomas Bonvalet en compagnie de Jean-Luc Guyonnet, avec leur deuxième opus sorti chez Bicoc, mais cette fois en coproduction avec Gaffer Records sous le titre Fusée. C'était sorti au printemps de l'année dernière et je vous passais ça à l'occasion de la venue de monsieur Guyonnet qui sera à Rennes ces jours-ci pour plusieurs performances au conservatoire de Rennes, avec notamment une conférence qui aura lieu à l'ISAB pour les élèves du conservatoire, mais pas que. Conférence de Jean-Luc Guyonnet qui aura lieu jeudi à partir de 18h, donc à l'auditorium de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne au 34 de la rue Hoche. Et il y aura aussi un workshop avec les étudiants des Beaux-Arts qui aboutira à une séance de musique improvisée qui aura lieu à 18h à la chapelle du conservatoire, donc juste à côté des Beaux-Arts de Rennes. Voilà donc pour la venue de monsieur Guyonnet. Et à noter que Jean-Luc Guyonnet sera aussi en compagnie de Hervé Le Bitter et de Luc Larmor pour un mélange guitare traficotée et environnement Max MSP pour la restitution de cet atelier en compagnie des élèves du conservatoire samedi 19 mars. Et on a terminé avec ce musicien qui continue derrière moi. Il s'agit de Francesco Cavaliere, qui est un musicien donc italien, comme son nom ne l'indique pas bien évidemment, et qui vient de produire un opus sous son nom, sous le titre Grancio Cielo, qui est un disque plutôt assez psychédélique, un peu dans la tradition des disques d'illustration sonore avec spoken words associés. Et Francesco Cavaliere, on le connaît pour déjà l'avoir vu en concert au Café La Bascule il y a de ça quelques années, et pour sa participation dans le duo Albero Rovesciato. Et c'est un musicien plutôt assez étonnant, comme en témoigne ce Grancio Cielo, sous-titré à la Ricerca del Terzo Occhio di Tartaruga. Voilà, on va continuer avec monsieur Filminton, qui sera à Rennes lui aussi ces jours-ci pour également un atelier, son fameux workshop vocal Le Feral Chor. Donc ce sera à Rennes ces 19 et 20 mars, donc quasiment au même moment que monsieur Jean-Luc Guyonnet, et ça aura lieu au Bon Accueil, cet atelier. Alors je ne sais pas trop s'il reste des places. C'est les après-midi des 19 et 20 mars, et à noter qu'il y aura une restitution le dimanche 20 mars à 18h en entrée libre, également au Bon Accueil, avec également une performance du musicien et plasticien Nicolas Desmarchelier, qui produit aussi une très belle expo à voir à la galerie Le Bon Accueil. Donc tout ça sur le canal Saint-Martin à Rennes. Plus d'informations par exemple aussi sur le site de l'Antipode, puisque c'est l'Antipode qui coproduit cette résidence workshop vocale en compagnie du Bon Accueil, Le Ferrailleur. Et je propose d'écouter une séquence séquence de plusieurs titres enchaînés de monsieur Phil Minton avec, qui démarre bien évidemment avec Roof, le projet qu'il avait aux côtés de Feu, Tom Cora, Michael Vacher et Lukex, et un titre du fameux album The Untraceable Cigar sorti, ça ne nous rajeunit pas, en 96 sur Red Note. On écoute le titre avec ce texte de Paul Haynes, The Prince. To shit 3 days past death, little bay scallops. Thank you. aperçu du style assez inimitable, je dois dire, de Monsieur Minton, fil de son prénom, avec The Prince, enchaîné avec un extrait du disque en compagnie de son vieux camarade de route, Roger Turner. C'était un disque qui était sorti chez Eminem en 2003, je crois, sous le titre Drainage. Ils ont eu un duo assez fructueux à partir des années 80. Des disques étaient sortis aussi chez Léo, un vieux disque sous le titre de Hameau, et tout ça pour vous inciter très fortement à aller voir le monsieur qui sera à Rennes ce week-end, ce dimanche 20 mars, au Bon Accueil, la galerie d'art contemporain sur le canal Saint-Martin. Voilà, et donc il sera avec toute sa tribu de vociféreurs, le Feral Chore, et sera une restitution donc de l'atelier, du workshop qu'il va donner à Rennes ce week-end. Et quant à Nicolas Desmarchelier, bah, il se produira avec sa guitare et ses raclements au Bon Accueil à partir de 18h en entrée libre. Et à noter aussi un concert qui risque d'être assez fameux ce même soir, sans doute quelques heures plus tard, le concert de Chocolat Billy, d'Antoine et Guest. Ce sera au Soupirail, et c'est une organisation de la Maison de la Grève. Plus d'informations sur le site maisondelagreve.boom.org. Ça devrait commencer, je pense, plutôt vers 8h, 9h, donc possibilité sans doute d'enchaîner les deux événements. Voilà, on va se quitter dans quelques minutes. Le temps pour moi de vous rappeler que cette émission est entièrement réécoutable, podcastable à partir du site asile35.blogspot.fr. Et on se quitte cette semaine avec Monsieur Céleste Boursier Mougenot, bien connu de Damien d'ailleurs du Bon Accueil, et sa cassette From Here to Here sur Cassona, la petite subdivision du label Important Records. Céleste Boursier Mougenot, qui est un compositeur plasticien qui produit des installations assez atypiques, puisqu'elles sont principalement effectuées à partir de guitares posées dans un espace, et des oiseaux viennent se reposer sur les cordes électrifiées de cette guitare, et ça donne des installations assez incroyables. Je vous propose donc de conclure avec Céleste Boursier Mougenot et ses oiseaux en furie. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you. Thank you.